Comment tu sais ça, toi? Le bouche à oreille, mon vieux. C'est encore le meilleur moyen de faire passer l'information. Ah ben ça alors? Moi qui croyais te faire une surprise.